Notre Père Céleste, nous approchons respectueusement de ton trône de grâce, le trône du Père, le trône de miséricorde, le trône de gloire. Nous y venons parce qu'il y a tout là-bas. Le pouvoir suprême, la domination universelle, le pouvoir immuable, le règne éternel, la gloire originale, la puissance et les secours pour tous les besoins qu'il y aurait. La véritable victoire incontestable. Cela à ce trône que se trouvent ses assurances. Reçois chacun de nous maintenant, Père, et tous ensemble comme un seul homme réuni, nous te disons gloire à ton nom. Et prions maintenant que tu descendes nous parles. Tu ôtes les vieils hommes. Tu renouvelles chacun de nous. Que tu reflètes ta gloire à travers les humains. Christ en nous l'espérance de la gloire. Magnifie ta parole, Seigneur. Confirme ta parole. Rappelle-toi à nous, Jésus. Nous avons grandement besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Rien du tout réussir. Tu es celui de qui nous dépendons. Totalement et absolument. Les besoins du Père sont parmi nous. Mais tu es Jéhovah. Dieu qui pourvoit à tout le monde. Laissons maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Apocalypse chapitre 2. Le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Nous terminons la première série lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Kadjo bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la solution à tout. Quel que soit le souci, le malaise, quand nous sommes dans sa présence, nous savons que tout va bien. Amen. Tout doit marcher. Amen. Doit bien fonctionner. Il a promis de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La parole infaillible des promesses. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Son esprit est présent pour confirmer que la Bible dit vrai. Et chaque parole de Dieu est vraie. L'esprit de Dieu est présent. Est-ce pas que nous aimons ça? Amen. Alors, notre thème, que nous pensons être court par la grâce de Dieu, c'est comment éprouver un ministère de la parole. Un ministère de la parole, comment éprouver ça? Nous pouvions aussi intituler ça, comment éprouver un ministre de la parole. Parce qu'en réalité, le mot ministre, et le ministre se réfère à l'homme qui possède un ministère. Et le mot ministère et se réfère au travail de l'homme qui est ministre. Le ministère, c'est le travail, l'œuvre. Ou le travail Moussala. De celui qui possède ou celui qui est ministre. Maintenant, le ministre, c'est celui qui a un ministère. Donc, le ministre, c'est l'homme. La personne. Tandis que le ministère, c'est l'œuvre, le travail de cette personne. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui. Chacun de nous est d'accord avec ça. Ouais. Ministre, c'est celui qui a un ministère. C'est un homme. La personne. Lui, le ministre. Maintenant, le ministère, c'est l'œuvre. Ou le travail. Le service. Qu'accomplit ou exerce. La personne du ministre. N'est-ce pas vrai? Maintenant, à côté de ça, nous avons un mot sur lequel nous sommes revenus hier en passant. Prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qui prêche. Quiconque prêche est un prédicateur. Quiconque prêche par rapport au fait que le travail qu'il fait, c'est la prêche, la prédication. Il porte le titre de prédicateur. Or, les prédicateurs que Dieu envoie sont des ministres de Dieu. Mais toute personne qui prêche n'est pas forcément un ministre de Dieu. Le prédicateur, on l'appelle prédicateur parce qu'il exerce la fonction, le travail, l'œuvre, la prêche, la prédication. Oh, il peut y avoir des prédicateurs et de n'importe quoi. Le barman que vous avez dans votre buffette. Le barman qui tient au micro. Mais c'est un prédicateur. Il y a des prédicateurs de Satan qui ne s'en cachent pas, qui n'en ont pas honte. Ils parlent en bien de Satan. Ils parlent du rôle de Satan, de l'importance de Satan, des œuvres de Satan, le succès de Satan, la gloire de Satan. Ils le font librement. Ce sont des prédicateurs. Mais des Satan. Donc tout prédicateur n'est pas nécessairement un ministre de Dieu. Pour porter le titre de ministre de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui a fait de l'homme ministre. Il a établi prédicateur. Qui dit amen? L'exemple des soldats de Tarse est éloquent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26e, la parole dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 26, que la Bible nous dévoile ses secrets. Le verset 7. C'est le Seigneur Jésus qui est apparu personnellement à Saul de Tarse. Il lui dit quoi? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir quoi? Ministre. Le Seigneur Dieu, Dieu du ciel, comme s'il manquait autre chose à faire, mais il suscite toute une apparition de lui pour venir établir un homme dans le ministère. Et vous pensez que c'est une chose banale? Que c'est un titre pambala que l'on peut donner à n'importe qui? Ou que quelqu'un peut se lever un matin et se proclamer le ministre et dire au ciel, oui, c'est vraiment. Et Charles Samy, le Dieu de la Bible, il est sérieux dans ses affaires. Il est correct dans ce qu'il fait. Il dit, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Deux choses à la fois. Ministre et témoin. Des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaissais. Amen. Ma corona yokoete, ma mona ni na yoko, ma kofa. Ma corona yokoete, ma mona ni na yoko, ma tina yokoete, ma tchayo, ma sole li nangai. Ma motato li. Na matambo masili yo kumona ngai na yango. Pona matambo oyo ngai na yango. Saul de Tarse n'est pas devenu témoin de lui-même. Mais c'est le Seigneur qui lui est apparu et qui l'a qualifié comme témoin. Hier, dans notre exhortation, nous nous sommes exhortés les uns les autres autour de cette pensée-là. Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. À cette occasion, nous avions lu deux passages bibliques. C'était dans Actes chapitre 1, verset 8. Et également dans Romains chapitre 10, le verset 15. Juste hier, deux versets que je pense que vous n'avez pas déjà oublié. Hier même, il y a à peine 24 heures passées. Et ici, dans Acte 1, verset 8, c'est les mots témoins qui nous ont fait. Et c'est dans l'intitulé de l'exhortation. Maman il a mal à Romain dit son respect. C'est le mot prédicateur qui nous avait fait. Mais le mot prédicateur n'était pas dans l'intitulé de notre exhortation. Comment vous savez bien de votre frère de soeur que tout chrétien qui a rencontré le Dieu vivant, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a appelé à la foi, il a appelé pour le salut, le chrétien là est tenu d'être témoin de Christ. Mais tout témoin n'est pas prédicateur. Amen. Tout témoin n'est pas prédicateur. Le témoin doit témoigner des choses qu'il a vues ou des choses qu'il a entendues. Il est témoin des choses que ces gens ont vues ou que ces gens ont entendues par rapport au fait qu'il a participé ou il a le Seigneur, il a d'abord dit dans Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit qui revient sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, vous ne pouvez pas être témoin de Jésus-Christ sans avoir reçu cette puissance. Sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit promis par le Seigneur. Tant que vous l'avez pas reçu, ne vous appelez pas vous-même témoin. Car c'est lui qui établit les témoins. Ne vous a pas encore qualifié comme ça. Attendez devant lui. Rendez-vous à lui jusqu'à ce qu'il vous qualifie. Dieu n'envoie qu'un témoin. Vous voyez que les témoins sont censés avoir le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit n'est pas synonyme d'avoir le ministère. Avoir le Saint-Esprit n'est pas synonyme de devenir prédicateur. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est une chose très différente du fait d'être un prédicateur. Le Saint-Esprit fait de vous témoin. Êtes-vous d'accord? Ouais. Dans Jean chapitre 15, il est écrit ceci pour mériter le titre de témoin. Dans Jean chapitre 15, le verset 26. Et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Oui, la priorité, c'est lui d'abord qui doit rendre le témoignage de Jésus-Christ. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin immortel et immuable. Le témoin suprême et incontestable. Le Saint-Esprit t'apparaît. Mais quand vous n'avez pas ce témoin en vous, vous n'avez pas ce témoin par vous-même. C'est d'abord lui qui doit venir et lisez-nous en lingala. Et le verset 27, et vous aussi vous rendrez témoignage. Amen. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Mais avant qu'eux ne rendent témoignage, il fallait que le consolateur vienne d'abord. Verset 27. Et faisant suite à cette promesse du Seigneur, nous voyons dans Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 33, il est écrit ceci, les apôtres qui étaient là, à qui le Seigneur a annoncé cela, ils sont maintenant les apôtres, rendez avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Les apôtres rendaient témoignage. Amen. Avec beaucoup de force. Quelle était cette force-là? Est-ce que c'était la démonstration, hein? Comment donner un choukoui? Est-ce que c'est ça qu'il faisait pour pouvoir convaincre les gens? Hein? Non. La force qu'ils avaient était surnaturelle. Elle ne venait pas d'eux-mêmes. Elle venait de celui qui avait les avait oints. Et celui qui les avait oints, c'est le même Seigneur Dieu qui avait oint Jésus-Christ. De quoi Jésus-Christ était-il oint? Actes chapitre 10. Le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de quoi? Ah, voilà d'où ça vient la force. Amen. Ça marche de pair avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas les biceps, c'est les muscles. Non. Ce n'est pas les pompages, les thorax. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la force du témoignage. Quand vous ne l'avez pas, vous serez faible. Un théoricien qui parle en l'air et sans résultat, chrétien, pas ta poule, chrétien de nom. Oh, lisez-la, lisez-la, tu vois. Acte 10, verset 38. C'est un homme qui a fait un homme qui oui, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Car Dieu était avec lui. Amen. Mais toi, tu t'es fait des promenades de tourisme. Mais pas au nom des chrétiens. Mais personne n'est délivré. Personne n'est secouru. Il y a aucun témoignage qui tourne. Il n'y a pas une indice surnaturel. Mon cher ami. Mon quel genre de témoignage? Tu donnes quel genre de témoignage? Mais discours mort. Des théories qui ont moisi. Tu n'es pas encore qualifié pour être témoin. Maintenant que je suis les passe, je donnerai raison à la vérité. Maintenant que je suis face de toi un témoin, tu verras qu'autour de toi, les choses se passeront différemment. Mais avant ça, tu ne pourras que prétendre être. Mais en réalité, ton cœur sait que tu n'as rien. Et tu n'envoie qu'un témoin qualifié. Amen. Il n'établit que des témoins qualifiés. Et pour que leur témoignage soit efficace, il faut le Saint-Esprit Tant qu'il n'est pas là, il n'y a qu'une idée qu'ils sont là. Il marchera comme Dieu. Je vous dis la vérité. Que chacun s'examine. Stanislas vient de tourner le pouce au nom du Seigneur. Et ça, c'est là qu'on a dit rien de concret. pas de fruits, pas de résultats. Pas de chrétien exemplaire. Il peut se toucher un pécheur et l'amener à confesser de lui-même. Et dire, j'ai rencontré un homme, une sainte femme. Je pense que tous, nous étions pareils. Mais sur la terre, nous sommes différents. Il y a des gens qui craignent vraiment Dieu. Qui craignent vraiment Dieu. Même si des fois, ils n'ont rien dit. Et le chambre de ce qu'il mène, c'est tout un témoignage. La femme de frère Branham était comme ça. Je ne l'ai jamais entendu sillonner avec la Bible pour prêcher. Mais il y a des femmes qui sont venues voir. Ils ont dit, mais qu'est-ce que sa femme a fait? Moi, il dit, mais de quoi il s'agit? Que pouvons-nous faire pour être comme elle? Et là, un visage tellement innocent. Elle est douce au possible. Et à la voir comme ça, elle doit être vraiment une chrétienne. Ma soeur, est-ce qu'on dit aussi des fois comme ça? Mais pour moi, c'est la on te connaît comme ça. Comme une personne qui a un visage tellement innocent. Donc attends aux autres qui les macabo, au moins qu'il est aussi batté. Même quand il veut commencer des histoires, tout le monde. La femme de frère Branham, sœur Meda, Meda, un visage tellement innocent. Mais il y a d'autres femmes, est-ce que ce serait toi dans cette catégorie-là? Pose-toi un peu la question. Et l'ongi n'a pas été innocent. Toi, il y a ma. Et l'ongi n'a pas été innocent. Au talika, moi, toi, il y a. Dans Esaïe 3, d'ailleurs, les filles de Jérusalem, elles se promènent d'un regard effronté. Au talika que l'on dit, on est prêt à tout. Aza prêt à tout. Basi a boyé, yo frère, on me casse pour que le gouban ne m'a pas de balle. On peut s'envoyer. On peut s'envoyer, on peut m'en battre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et nous conduise. Dans le bien, au moins, il faut que l'on m'amène. Pour que ce soit un problème, il y a des pasteurs, allô pasteur. Moment où toujours fait, et yo, oye, comment faire, au moins que l'on m'amène, encore. Voilà ce que toi tu es. Soyons sérieux. Si demain il y a des conséquences, tu es la cause. Parce que le Saint-Esprit a vu comment tu as reçu des choses. La vérité, mais tu as fermé ta bouche pour te dire. Parce que tu as d'autres calculs. Nous allons faire mon tour. Nous allons faire plan, nous allons faire un prédicateur avant de gober du sango. Ah, avant de gober du sango, c'est si tu as dit quelqu'un, ok, il est temps de dire amen à la parole. Nous devons monter notre position. Amen. La vérité, elle mérite d'être soutenue. Amen. Oh, c'est ça. Il faut que notre vie soit un témoignage. Jésus-Christ était loin des Saint-Esprit et de force. Les apôtres étaient remplis de l'onction. Et quand ils rendaient témoignage, ce n'était pas un témoignage de faiblesse. La Bible dit qu'il rendait témoignage avec beaucoup de force. Amen. Voilà. À la résurrection de Jésus. Il ne parlait pas de la résurrection du Seigneur comme un sujet dont on doute encore. Vous qui reste encore à vérifier. Et il avait la pleine assurance. Vous venez l'assurance. Le témoin de la résurrection. C'est-à-dire, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'esprit immortel était en eux. Il était poussé à témoigner. Et les rassurer que c'était la vérité. Il te faut le même Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il te faut le même Il est dit ceci. Au verset 18 à 20. Et les Seigneurs appelés, on a appelé les apôtres, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils leur ont donné une défense absolue. Sous menace avec autorité. Qu'ils ne parlent pas. En ce nom-là. Et qu'ils n'enseignent pas ce nom-là. Et Balatissa, Kumbuana, c'est la Kumbuana. Des hommes. Qui avait fait quoi? Qu'il ne les avait pas envoyés ni reconnus comme serviteurs de Dieu. Et pourtant, ces hommes-là à qui il faut ces interdictions n'étaient pas devenus témoins par leur volonté. Ils n'étaient pas devenus prédicateurs de la parole, de l'évangile, par eux-mêmes. Mais c'était le Seigneur qui les avait établis. Vous le savez, c'est lui qui les a choisis et qui les a établis. Parenthèse. Allons ici dans Jean, vous allez voir la parenthèse. Comment il a parlé lui-même? Le Seigneur est sérieux, mes chers amis. Ne pensez pas que vous puissiez les prendre comme un petit gamin. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi. Amen. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Tout ça, c'est le Seigneur et son œuvre. C'était les décisions du Seigneur lui-même. Le choix, ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi. C'est lui, le Seigneur, qui les a choisis. Il n'a pas choisi ses pharisiens. Il n'a pas choisi les membres du Sanhédrin. Rien du tout, mes amis. Ils étaient devenus jaloux. Il faut contrecarrer ces gens-là. Ce sont des foyers, ils n'ont pas ici. Ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont jamais appris la théologie. Comment se tenir devant les gens? Comment ils peuvent avoir des succès? Ils peuvent commencer à nous suivre passer. Et le peuple les suit. Donc les gens vivent ces gens. Mais ça ne vient pas de l'autre. C'est du Seigneur que l'œuvre vient. Ce n'était pas les choix. C'est le choix de Dieu. Ce n'était pas les décisions. C'est la décision du Seigneur. Que son nom soit béni et éternel. Dieu fait tout ce qu'il veut. Il demande le conseil à personne. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi. Et je vous ai établi. Amen. C'est lui qui les a établis. Il devait être témoin. Ministre. Ce n'était pas Dieu-même. Mais c'était un choix révélé et clairement exprimé par le Seigneur. qui a pouvoir en tout. À qui personne ne doit désobéir. Établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, de sorte que tout ce que vous demanderez aussi au Père, à mon nom, il vous le donne. Je vous ai établi pour ça. Et Dieu ne change jamais. On ferme la parenthèse. Nous revenons à Acte 4. Je vais faire une parenthèse pour voir qui les avait établis. Et pour voir des hommes comme eux, leurs semblables, commencent à faire des invectives. Ils font des ingérences. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Dieu nous a établis pour faire ce que nous faisons là, pour parler au nom de Jésus-Christ, pour enseigner au nom de Jésus-Christ. Mais vous, des individus comme nous, vous nous interdisez d'exiger ça vous-même. Faut-il obéir à vous ou à Dieu? Est-ce que quand il disait d'obéir à Dieu, c'était une invention? Est-ce qu'ils avaient imaginé ça? Ils pouvaient prouver le fil à aiguille. C'est cela qui leur donne beaucoup d'autorité. Pour affronter n'importe quel défi. Pour affronter n'importe quelle opposition. Il s'avait établi par Dieu lui-même. Et nous avons entendu que Brenham nous dit, un homme qui a rencontré Dieu sur ce terrain sacré-là, il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a rien qui puisse passer sur ce terrain. Il est témoin de ce qui lui est arrivé. Et il ne peut le dissuader. Dieu qui combat. Il établit clairement. Il vous donne même les arguments pour répondre à ceux qui pourraient vous attaquer. Dieu est parfait dans sa manière de faire. Lisez le verset 19 en lingala. Les pétons là, on va nous parler de ce qui est. Soko et Jali Sembo, la mise en Zambé, c'est pour le cabinet du Bosso, la Koyok en Zambé, pour faire les tambourango. Écoutez maintenant. Il faut ressortir leur casquette de témoin. Et c'est lui qui dit que c'était les témoins convaincus. Ce n'était pas les témoins hésitants. Ou des témoins incertains. Mais c'était les témoins qualifiés. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, d'abord c'est Dieu qui nous a établi. Pas pour les hommes. Nous n'avons pas besoin de votre reconnaissance. Que vous soyez d'accord avec nous. Ça ne vous concerne pas. L'affaire de Dieu et tes enfants. Si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir votre accord. Votre approbation pour le travail que nous faisons. Dieu connaît ce qui lui appartient. Quand il crée ses affaires avec ses enfants, il n'y a pas l'intérêt. Tranquille avec ses enfants. Amen. Laissez les enfants de Dieu tranquilles avec leur Dieu. c'est d'abord Dieu qui les a aidés. C'est un individu qui ne représentait rien dans le royaume. Je répète bien. C'est un individu qui ne représentait absolument rien dans le royaume. Il ose se lever et prendre les décisions. Et dit, nous vous interdisons de parler en son nom et d'enseigner au nom de Dieu. Vous qui? Vous venez d'où? Qui êtes-vous? De nul dans le royaume. Sans identité ni adresse. Est-ce qu'un vrai témoin établi par Dieu peut-il revêtir des soucis? Peut-il revêtir des soucis? Oh, ces gens-là, ils sont la police. D'ailleurs, ils sont le gouvernement de leur côté. Mais le gouvernement c'est quoi? Dieu donne le souffle de vie à tous les dimanches. Les membres du gouvernement, pour qu'ils puissent même s'appeler membres du gouvernement, et la Bible dit que tout homme debout n'est qu'un souffle. Qui dit amen? Amen. N'est qu'un souffle. Vous allez mauvais les paiements. Nous tenons sur mon arbre. Paiement, il n'y a pas. C'est vrai. Oh, après, si ma menace, alors, ma cambo, il y a grave, grave, nous. Un individu, ma cambo, grave, ouat. Et où c'est un individu qui ne représente rien dans le royaume. Vous allez le compter, pas si vous comptez. Vous voyez pourquoi David s'est révolté? Il est dans le royaume, c'est pas qui. Goliath représente quoi dans le royaume de Dieu? Il est dans la qui il est qui, il était quoi? Il est dans la qui son passé, parmi les états aussi, parmi les païens, par célébrité, mais dans les royaumes, nul. Dans les programmes de Dieu, zéro. Aucune expérience avec Dieu. Alors, il représentait rien aux yeux du croyant David. La Bible l'a taxé carrément dans circoncis en Bible. Je ne serai pas certain circoncis. Insulter l'armée du Dieu vivant. Or l'armée du Dieu vivant dont lui parle, c'est un ensemble de pleurer et de pollution. Des gens de qui on nous veut rien de pollution. Tout est pleuré. Personne n'osait pas. En fait, les yeux de la foi de David. Malgré cette honte visible et palpable, la foi n'a pas regardé à la défaite. La foi n'a pas regardé à la faiblesse du troupeau. La foi n'a pas regardé à la faiblesse des brebis. Un berger croyant fera la même chose. Je ne regarderai pas votre petitesse ou la faiblesse que vous affichez. Mais je regarderai l'appartenance. Vous appartenez à un Dieu terrible. Vous priez un Dieu invincible. Goliath avec ses yeux incrédules, il n'a vu là que de beaux rien. Qui ne pouvait rien nous faire. Mais David a dit, c'est l'armée du Dieu vivant. Dieu a pris juste ces faiblards-là. Juste ces pauvres-là. Juste ces pollutions-là. Mais pour confondre les grandes nations. Qui est fier de Dieu? Et réveille ta foi alors. Amen. Ne regarde pas à ta honte qui est visible. Tout le monde même dans les voisinages voit ta honte. Regarde le nom que tu invoques dans tes prières. Souviens-toi du nom qui t'a appelé à la foi. Il est le Dieu invincible. Et tu es heureux d'appartenir à son armée. Il peut t'utiliser à n'importe quel moment pour changer la malédiction en bénédiction, pour changer la défaite en victoire, pour changer la honte en gloire. transformer l'échec en réussite. Dieu peut le faire à tout moment. Dites oui, je le crois. Oui, je le crois. Et aussi, je le sais. C'est un Dieu redoutable. Alléluia. Je le sais. Réveille la foi de son cœur. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce qu'il est pour toi. Ne regarde pas ce que tu as fait. Mais souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Oui. Il est le même Dieu jusqu'à présent. Il est le même chaque jour. Il est le même chaque jour. Pour aller prendre le monde. Il est le même. Nous ne pouvons pas ne pas témoigner de choses que nos yeux ont vues et que nos oreilles ont entendu. Nous sommes individus. Nous sommes individus. Nous sommes individus. Nous sommes individus. Nous sommes individus. Nous sommes individus. Attention à ce que tu as la consale la zappe la gaille. Errez le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Ah! Au banc de l'autre côté. Amen. Au banc de l'autre côté. Tu n'es pas venu par hasard ici. Oui, oui, attends, mais il y a un être qui t'a appelé. Il t'a fait connaître son plan. Il t'a intéressé des affaires de son royaume. Il n'est pas venu de toi-même. Oui, c'est pas toi qui l'as choisi. Mais lui t'a vu dans ta famille. Il y a de nombreuses personnes. Des fois plus géantes et plus fortes. Des fois plus riches et réputées. Il n'a pas appelé. Amen. Il n'a appelé que toi. Pour croire son message. Il n'a appelé que toi. Oh, comment ne pas s'attacher à lui? Comment ne pas le servir avec toi? Lorsqu'on est tout, on tourne le regard vers le Seigneur, le visage rayonne de joie. Et la joie du Seigneur soit ta part. Chaque fois que tu regardes là, il essuie tes larmes. S'il change le décor de ton visage, comme le visage de Moïse, il rayonnait de gloire. C'est toi qui allais là-bas. C'est toi qui passe la présence. Et tu sers le même Dieu. Et tu sers ça? Amen. Es-tu certain qu'il t'aime? Tu es certain qu'il t'aime? Est-ce que tu crois que ça peut? Il est le même Dieu! Il nous aime! Il nous veut du bien! Il nous veut heureux! Il nous veut toujours joyeux! Amen. Il a dit dans sa parole. Sans réserve. Amen. Sans réserve. Il l'a dit dans sa parole. Pierre, c'était le sang. Nous ne pouvons pas. Alors, nous ne pas parler. Des choses que nos yeux ont vues. Que nos oreilles ont entendues. Et vous, des individus. Venez nous aider ça. Oui, Afana. Allez vous occuper. Vous êtes trompé d'adresse. Vous êtes trompé de visage. Tokoto sa zambe na biso. Amen. Toko sale la zambe na biso. Amen. Écoutez ici. Bonjour. Le même Pierre dans son épître. Écoutez ce qu'il essaye de dire. Oh nos chers amis. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Avec les menaces de la prison. Non, voilà, c'est le problème, mais vraiment, c'est pas quoi, c'est un boloko. Bolim ici, hein. Bon, ils nous ont manqué à faire. Bango, va zanga, ma kama kota. Mes chers amis, ces gens-là avaient manqué à faire. Baninga, n'a pas tourné, va zanga, tu es ma kota. Tu ne sais pas à qui tu viens parler. Oui, tu viens parler pour le nani. Il a été en contact avec qui? A kouta na kina nani. Il a rencontré quel puissant? A kouta na kina nani. Et toi, tu viens après avoir mangé les Philippines? Yo, yé, n'a. Et ces petits doigts qui ont trempé dans les petits pots de Pilipili, tu viens menacer avec les petits doigts. Mais là, vous êtes moqué pour faire les. Ah! Quel bacan à yon, hein? Quel bacan à yon? Quel bacan à yon? Pas et pas, il n'y a pas de sable. Quand Dieu établit un serment, que c'est un témoin qui ne va reculer devant rien. Il a qualifié lui-même. Et il établit témoin. Et toi, un homme, si tu veux le passer. Arrêtez son témoignage. Il a fait de lui témoin. Il a fait de lui témoin. Jamais, mon ami. Mon ami. Tout chrétien doit être témoin. Donc, tu sais que tu et témoin qualifié. Le peuple n'a dit qu'un chrétien, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. La différence. Okay. Il y a une différence entre un chrétien tout court. Il faut que juste le chrétien et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il dit qu'un chrétien n'est pas encore chrétien tant qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es même pas encore un témoin. Alors pourquoi tu trembles quand les coups passent? Je ne sais pas si tu es venu quand tu as goûté. Quand vous avez les mains, vous croisez mon salibouma. Au bani qu'on est mis à pied, au bani qu'on met là-bas distance, bas 2 mètres, 3 mètres. Au bani qu'on va le faire, on va faire ailleurs, mais sur le bino qu'on a laissé. Parce que tu as perdu du coup. Vous allez comprendre quand vous êtes dans le bon moment. Tu n'as rien en toi. Vous allez dans le côté 4 là. C'est lui qui est en vous et plus grand que celui qui est dans le monde. Vous allez 4 là, vous allez monner, vous allez 4 là, tombolé, l'homme. Tombola et l'homme. Ta fierté est dans les noms du Seigneur. Amen. Pour que mon roi mette à trois tours dans le salon, a commis suspect, il faut être à la jambe. Hein? A qui m'a la riboso? Au salut. A ce côté Kuna, la Sigamoko, à son guide fou. Oh, un prenez-lui. Et ça moutou. Oh mon Dieu. Tout ça, c'est l'affaire. Les résultats de l'affaire, voilà ce que ça fait de vous. Et après, ça, tu vas voir. Et l'on y a pourquoi. Et puis, il y a une vision. Et l'on y a pourquoi. Il y a Zolo. Il y a un bâtiment qui est là. Et tu n'y es pas. Et ça, pour tout. Ce sont des illusions. Il y a cette affaire. Et j'allais comprendre ça au Bangui Bongo. Et parfois un cri de détresse. Téléphone. Ça la casse. Le bon père lundi. Et comme il est paralysé. Joue au téléphone, le père pasteur. Mon bon père caos. Mon Dieu. C'est la peur. On a vu le bandit. Elle peut produire des images et des visions. Mais ce sont de fausses visions. On est ça comme ça. Tu peux raconter ça comme tu veux, mais c'est des mensonges. Il n'y a rien de réel dedans. Ce n'est que le développement de la peur. Que Dieu nous aide. Hein? Verset 17. Quand il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Amen. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Sa majesté de nos propres yeux. Leur propre yeux avait vu. Et on le dit 18. Aujourd'hui là. Et nous avons entendu cette voix. Donc un témoin oculaire. C'est de vrai témoin. C'est tout ce qu'on dit. Témoigner. C'est la part de Dieu. C'est ce que chacun de nous doit être. Hommes et femmes, garçons et filles. Que Dieu fasse d'abord de vous témoins. Et de circuit le prédicateur qui doit être pour avoir un ministère. Et porter le nom de ministre. Mais il doit d'abord au départ être un témoin. Et ensuite. Comme Saul de Tarse l'a été. Comme Pierre l'a été. Comme les 12 apôtres l'ont été. Comme tous les enfants de Dieu dans le passé l'ont été. Dieu ne change pas ses voies. Alors, comment éprouver un ministère? Nous sommes en train d'entrer peu après dans la matière. Dieu va nous aider. Pour que chacun voit clair. Comment faire? Que la parole dise ce qu'on doit faire. Vous là, ça doit être d'abord un témoin. Ensuite, que Dieu l'établisse ministre. C'est clair pour tout le monde. Il doit d'abord être un témoin. Et on ne peut pas être témoin sans le baptême de Dieu. Et on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Ce sont des choses que Dieu fait. De manière si évidente. Pour mettre fin à toute contestation. Pour condamner les contestations. Pour briser le prétexte. Ôter la raison à tous ces dieux. Alors Dieu donne les évidences. C'est comme ça que là au désert. Il a parlé du pays promis. Il ne les a pas laissés comme ça. Il a pris des témoins. Un par tribu. Allez voir le pays. Ici, un temps où c'était une promesse à l'autre. C'était un domaine prophétique. Maintenant, allez avec vos yeux naturels. Nous y sont allés. Les dieux ont vu des amis. Ils ont dit que le pays était une réalité. Ils ont entendu les habitants parler. Ils sont retournés au désert avec un rapport probant. Mais nous ne pouvons pas nier. Le pays existe bel et bien. Il ne faut plus douter. Tout ce que c'est mon avis. Il y a des habitants là-bas. Et comme avait annoncé la parole tout ce matin, c'est un pays où effectivement coule le lait et le miel. La parole a raison. Maintenant, 10 d'entre eux, on peut ajouter quelque chose au témoignage. Mais, parce seulement, nous ne serons pas capables de prendre un tel pays. Parce que le fils d'Anak habite là-bas. Ce sont des gens vraiment géants. Et nous, par rapport à eux, nous paraissons comme des petits souterrains. C'est vrai, nous sommes parole le paquet aux solo, mais tout est gratuit. Tous sont à Kaka en Égypte, tous sont à Kuna. Tous sont à Kuna, nous étions mis là-bas, on pouvait les habituer. Nous étions les habitués. Kuna, tu mets la qui? Nous étions les habitués. Kuna, tu mets la qui? Moïse, on a un de Kuna, tu évites les fruits de Kuna. Oui, quoi, comme question, on a un peu de tout ça, parce que leurs yeux se sont limités à ne voir que ce qui frappait les yeux. Nous allons nous dire comment la voix de la coubette. Qui frappait les oreilles. La coubette à ma la voix rock des fils d'Anak. Ils parlaient comme des maîtres du monde. On a hein? Que quand ils parlent, vous savez vraiment que les gens crament. Miséricorde. Au-dessus de ce que les yeux voyaient, il y avait le Dieu que l'œil ne voyait pas. Tournez les regards vers le Dieu invisible. Et votre foi regarde sans cesse à lui. Alors vous donnez la joie de témoigner. Amen. Vous témoignerez de la victoire avant la bataille. Parce que la foi possède un élan prophétique de victoire. La foi peut annoncer la victoire. Parce que la Bible nous a dit que nous sommes plus spectateurs dans tout ce qui arrive. Quelqu'un qui aime la vérité doit dire amen. Amen. Plus que vainqueur. Vous advienne que pourra. Plus que vainqueur. Matin ou soir ou minuit. Plus que vainqueur dans tout ce qui est vainqueur. Qu'il en soit. Vous aimez la vérité? Gloire au Seigneur. Maintenant remarquez. Dans 1 Jean 4. Nous avons lu là-bas. C'est la parole qui nous a servi d'introduction et que nous avons commencé à commenter. Que nous avons commencé à commenter mercredi soir. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits. Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Basi bomeka milimo soko mwezi na zambi. Pote basa kwenye nalokuta mingi basi hiko bimakati na mukili. Voilà la chose. Tala ni kambo. Et nous avions lu pour terminer dans Matthieu 7. Tala kwa kati sana. Matthieu mkabasa mbukulongo ya zomi na mitano. Où le Seigneur a dit, mettez-vous en garde contre les faux prophètes. Ok, pana basa kwenye nalokuta. Il vient à vous. En vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravis. Vous vous souvenez encore? Juste il y a 48 heures, mercredi. Maintenant, la question qui s'est posée ici est de ça. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, il s'agit des esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Amen. Il s'agit d'éprouver les esprits. Pourquoi votre titre c'est comment éprouver un ministère? En continuant à expliquer, un ministre c'est quoi? Un prédicateur c'est quoi? Mais pourquoi? Mais le lien se trouve dans le verset là. Vous allez là au Père de Géant. Vous allez pour nous dans l'importance de qui à qui, de ceux à qui Dieu confie cette lourde responsabilité. Ça nous sommes n'importe qui. Mais le bien-aimé du Seigneur, il l'a prédestiné tel que vous. Qu'il ne veut nullement voir être pour. Il leur dit de ne pas croire tout esprit. Mais d'éprouver les esprits. Comment de l'épreuve des esprits, vous vous dites, éprouvez le ministère. Ah, voilà. Faisons les liens. Bien-aimés, nous savons les gens qui sont les bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Évitez la naïveté. Si la naïveté. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car tout esprit ne vient pas de Dieu. Maintenant, le lien vient ici à la fin. Après avoir dit d'éprouver les esprits, car plusieurs faux prophètes. Sont venus dans le monde. Amen. Vous voyez que les esprits que nous avons à éprouver, selon ce verset biblique, sont particulièrement des esprits qui sont dans un ministère. Qui exercent un ministère. Parce qu'il s'agit pour le cas d'espèce du ministère prophétique. En parlant de plusieurs. Les prophètes, ça se réfère à la personne. Mais le ministère que possède cette personne appelée prophète, c'est ce qu'on appelle le ministère prophétique. Le travail que fait cet homme, c'est un ministère. Prophétique. Êtes-vous là? Maintenant, on doit éprouver les esprits parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. Ils sont déjà ancrés dans le monde. Le Seigneur nous avait mis en garde. Aujourd'hui, Jean son disciple confirme qu'il y a Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce sont des esprits. Et pour exercer un ministère, il faut recevoir une capacité. Et quand un ministère vient de Dieu, la capacité doit venir de Dieu lui-même. Je vous prends de Corinthiens 3. Versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Mais si une capacité ne vient pas de Dieu qui rend capable, c'est pour ça qu'il faut éprouver les esprits. Celui qui a rendu Saul de Tarse capable d'être ministre. Et son état ne dit pas que ce n'était que valable pour lui seul. Mais il dit, il nous a, nous. C'est tout un groupe, toute une équipe. Un ensemble de serviteurs. Les hommes appelés par Dieu. Amen. Qui ont reçu leur capacité ministérielle. C'est Dieu lui-même. De la même façon que Paul avait reçu sa capacité ministérielle. Je te suis à Paris pour t'établir ministre. Et témoin. Ok. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. On est ministre de quoi? De l'esprit. Ministre de. Prophète de Moussako Yanini, apôtre de Tomaya, évangéliste de Apanadi Sangoya, pasteur de Mobatelia, docteur de Molakitia, chacun de la FC 411, de l'esprit toujours, tous les ministres, chaque ministre. C'est de l'esprit. Vous allez vous à mon. Ça, c'est la Bible. Vous allez Bible. Maintenant, quand l'esprit qui établit ou qui fait fonctionner le ministre n'est pas celui de Dieu, vous pouvez alors savoir à qui vous avez affaire. Vous allez et l'épreuve, vous le dévoilez. Et il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Je peux abonner ce qui soit pour la salle de la condamnation de la cité. Oh, on a mis beaucoup, mais comment il s'est cassé, oh, on a mon limo. Je te dis comment pour mon macan, mais mon limo est coupé sans la bonne moyenne. Et on va se oui. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Question. Voilà mon tour. Pour les polanini, mon salana, pour saler la molino, et pour jalana kembo, na pour les quartiers. Le ministère n'est pas de l'homme. Mon salaire est allé en dame et que le tour n'est pas de l'homme. Il est fabriqué ni un produit. Mon salaire est allé en dame. C'est Dieu seul que ça doit faire. Et Dieu est esprit. Le ministère qui vient de lui, c'est le ministère de l'esprit. Amen. Amen. C'est clair pour tout le monde. Et vous aimez ça? Vous ministère de l'esprit. Le tombe à Molino. Dans le psaume 54, avant de dire que nous plantons le décor, nous allons mettre un prophète de la Bible. On ne va pas prendre ces paroles en l'air comme ça. Il faut un sous-bastement pour vous aider à mieux les comprendre. Un sous-bastement du message de la Bible. Dans le psaume 54, verset 4. Il fait des vents ce messager et des flammes de feu ce serviteur. Amen. Darby nous dit quoi? Il fait des vents. Hein? Ok? Et ce serviteur? L'âme de feu. Donc, le mot, il dit, ici, la scopile dit, il fait devant ce messager. Donc, ni pépé. A commissi, ni pépé, bameni sangonaye. Or, le mot messager veut dire ange. Dans l'original, là-bas, en grec et tout, Angelus, ce messager. Vous voyez? Alors, Darby traduit carrément plus clairement. Il fait ce messager des esprits. A commission de l'étango, milimbo ya. Là où Scofield appelle vent. Ya na pas ya bien de pété. Pneuma. Pneuma. Hein? C'est la même chose que vent quand vous traduisez. Et comment vous le mot grec pneuma. Voilà ce que vous faites, c'est vent. Et mais c'est aussi esprit. Et alors, par un jeu de mots, le traducteur qui a choisi vent au lieu d'esprit, ça peut vous donner une idée. Alors, parce qu'il s'agit de pneuma, il fait de ses anges, des esprits, des pneuma. Les esprits. Les mots. Mais en traduisant autrement, c'est dépend. Pas dans le problème du pépé. Mais la meilleure façon, c'est esprit. Il fait ses anges. Des esprits. Les mots. Et ses serviteurs de flamme de feu. Maintenant, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On va tout ça pour matin à qui apporte un message. Qui vous dit, il dit qu'il a un message de la part de Dieu. Il a une évangile à prêcher. Il a une exhortation à vous apporter. Il a une parole de vérité à vous dire. N'ajoutez pas foi à tout ça. Éprouvez les esprits. Cet esprit qui essaye de t'apporter mes ordres. Une prédication. Un évangile. Un encadrement. Voilà pour la Dieu. Est Dieu. Ou non. N'ajoutez pas foi à tout esprit. On passe tout ça pour les matières, on va dire qu'il s'appelle frère. Attendez, le copain de ma tête. Il s'appelle une soeur. Attendez, la parole est impersonnelle. Il va être un motocin. Elle ne désire le visage de personne. Elle dit ce qu'il y a et ce qu'il faut. Bien-aimé, vous que Dieu ne veut pas voir ce père. Ne croyez pas tout esprit. Mais les esprits qui tiennent de Dieu. Dieu en fait des messagers. Le porteur de son message. Et c'est lui qui les envoie. C'est clair, mes amis? Écoutez le commentaire de Proverbes. Je voulais lire ici. Dans les sermons, la plus grande bataille jamais livrée. Voyez là, c'est au mois de mars, je crois que c'était le 11 mars 1932. Paragraphe 191 et 194. Voilà. Ce sont des esprits qui exercent un ministère. Là, il se réfère à Hébreux 1, le verset 14. Les anges, ce sont des esprits qui exercent un ministère. C'est ce qu'on dit dans Hébreux 1, verset 14. Et ici, dans le psaume 104, nous venons de les lire, version de l'armée. Il fait des anges, de ses anges, des esprits. Donc, les porteurs de son message, des bonnes nouvelles, de sa prédication, de son évangile, il en fait des esprits. Okay. Ce sont des esprits qui exercent un ministère. Envoyés de la présence de Dieu. Pour être des ministres. Ce sont de quoi? Est-ce que ce sont de quoi? C'est de quoi résumé que vous voyez? Ce sont des esprits. Qui exerce un ministère. Et ces esprits-là sont envoyés de la présence de Dieu. Pour être quoi? Les ministres. Or, les ministres, c'est ce que vous voyez. Ce somme-là que vous voyez, ayant un ministère, et ce n'est pas l'homme qui exerce le ministère, mais c'est l'esprit en lui qui exerce le ministère. J'espère que Dieu va te les révéler à vous. Ça paraît compliqué, difficile. Sois calme. Persévère, Dieu va l'éclairer. Ce sont des esprits qui exerce un ministère. Envoyé de la présence. Et Sindami, Wouta, Nabozalinazambi. Amen. Pour être de. Pour Akozala. Pour être quoi? Pour Akozala Nini. Vous n'avez pas retrouvé la situation? Bon, Kouti, Malobate. Ici pour le panou. Awa, pour la. Ce n'est pas encore mis pour que tout le monde le suive ensemble avec nous. La plus grande bataille jamais délivrée. Tumba Monene, on fait la Kumbunda Mate. Mars 1962. Dans la mitate, on va côté mon camarade, on va dans la mi-balle, on va dire en gros. À moins que nous puissions. Tendance est différente. Le paragraphage est différent. Wow. C'est différent. Donc le problème, c'est à ce niveau-là, qu'il n'arrive pas à retrouver le paragraphe dans cette version-là. Oh Jésus, attendez, je peux voir rapidement ici, je peux retrouver quelque chose. La plus grande bataille jamais délivrée. Mais pourtant, chemin, le paragraphage est le même, hein? Que ce soit la traduction de Shekina ou de la voix. Oh, je ne sais pas quelle vous avez là-bas. Très rapidement, j'aimerais que tout le monde voie quand même ça. C'est tellement important. Ouais. J'ai pris la version de la voix de Dieu, c'est-à-dire par exemple ça non. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Excusez-moi bien aimé, c'est quelque chose de technique assez rapidement là. Ok. Même chose. C'est bon avec la voix de Dieu. Ce sont des esprits. Même chose. Les animés, et voix de Dieu. Voilà, allons-y quand même. Okay, et portez-vous de suivre. Oh. Ce sont des esprits. Les animés, voilà. Ce sont des esprits. Les animés, qui exercent un ministère. Comprenez la dimension d'un ministère. Alors quelqu'un ne doit pas s'improviser là-bas, venir vous raconter n'importe quoi. Ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyé de la présence de Dieu pour être de quoi? Des ministres. Alors, éprouvez les esprits. Et la Bible a raison. Je vous demande d'éprouver les esprits. Parce que ce sont les esprits qui exercent le ministère. Pour apporter quoi? Sa parole. Non pas une théologie quelconque, mais la parole de Dieu. Amen. Avançons. Ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyé par Dieu pour exercer un ministère. Ces esprits qui exercent un ministère. Oh! Souvenez-vous. Attention ici. Si il apporte autre chose que la parole, il n'est pas venu de Dieu. Amen. Comment éprouver un ministre? Le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Il n'est pas venu de Dieu. Amen. Les esprits qui sont envoyés à la présence de Dieu apporteront la parole. Amen. Rien que la parole. Amen. Seulement la parole. Amen. Mais s'il apporte autre chose que la parole, il n'est pas venu. Ah, c'est quand même un esprit, oui. C'est quand même un ministère, oui. C'est un ministre, oui. Mais il n'est pas venu de Dieu. C'est parti? Oui. Il a un ministère. Bon, oui. Et est-il le ministre? Comme il dit, seulement cet esprit-là n'est pas venu de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2, la Bible nous a dit, je connais ton travail, tes œuvres. Ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et tu ajoutes, tu y as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc apôtres. Apôtres de la part de Dieu. Mais qu'ils ne sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Comment vous pouvez arriver à ça? Comment des croyants pouvaient en arriver là? Le Dieu du ciel reconnaître et approuver le travail. Il devait avoir l'esprit de Dieu en lui. Pour dévoiler ces choses. On y arrivera. Avançons avec la citation. Si la faute autre chose que la parole, il n'est pas venu de Dieu. En effet, ta parole est toujours confirmée dans les cieux. Toujours dans les cieux. La parole, Dieu veille sur elle. Et jamais il n'enverra un esprit pour qu'il apporte autre chose que la parole. Dieu, votre Dieu, au grand jamais, Nini, ne donnera un esprit qui va commencer à apporter autre chose que la parole. Dieu ne le fait pas. Amen. Ça doit t'aider dans ton exercice l'épreuve. Amen. Il te faut avoir cette matière. Et de la parole. Bien assis au-dedans de toi pour tester et prouver. Pour la hier, nous avons entendu que Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. Amen. Aujourd'hui, le prophète nous dit encore ceci. Jamais Dieu ne va envoyer un esprit qui apportera autre chose que la parole. Amen. Jamais Dieu ne peut le faire. Quand tu sais que jamais Dieu ne peut le faire, tu es fixé, tu es positionné, et tu sais qu'il ne peut pas l'être forcément. Quelqu'un ne peut pas te forcer, envoyer des dires ici, pendant qu'il est un genre d'esprit qui apporte autre chose que la parole. Voilà. Il dit ceci. Et jamais Dieu n'enverra un esprit pour qu'il apporte autre chose que la parole. Par exemple, son Montaignan. Jamais il n'enverra un esprit muni d'un grand PDD. Oui, Zalina. Tridoc. Oui, Zalina. Mon cas, c'est l'icône, ma casse, c'est qu'on a un grand PDD. Zalina, le cas, c'est l'icône, mais il docteur, trois fois. Azali, docteur Mbalamisato. D'un doctorat en philosophie. Azali, na lokata wana na philosophie, na mabanzo. Avec son col tourné vers l'arrière. Wana, na, et tout comme ça. Et qui dira, eh bien, évidemment, les jours des miracles sont passés. Iko na habitant de Tiboleka. Parce que lui, il est pilote. Il a un doctorat en philosophie. Et puis, il dit, évidemment, les jours des miracles sont passés. Un esprit qui apporte des choses comme ça n'est pas venu de Dieu. Ne cherchez pas à les localiser dans le PC 411. Il n'est pas venu. Il n'est pas. La parole dit que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Dieu Dieu, il est le Dieu qui a promis des prodiges et des miracles au sein de la famille. Il a dit qu'il est plus. Quand il répandrait son esprit, mais comment un individu vient, il commence à vous dire, les jours des miracles sont passés quoi? Parce qu'il a un doctorat en philosophie. Méfiez-vous. Déclassez ça. Amen. Parce qu'il n'apporte pas la parole. Il dit. Il dit. Ça, nous le savons tous. Non. Ce n'est pas venu de Dieu. Nous le savons tous. C'est contraire à la parole. Amen. Amen. Paragraphe 192. Il envoie ceux qui apportent l'esprit de la parole. Amen. Amen. Il envoie ceux qui apportent l'esprit de la parole. Amen. Alors, bongo. Paragraphe 194. Si cet esprit angélique sont loins pour vous apporter la parole, pour vous amener à croire la parole, alors pouvez-vous concevoir qu'on puisse jamais entendre un prophète, un vrai prophète de Dieu, nier la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'entendre à ça? Non. Vous lui présentez la parole, vous commencez à nier. Mais en même temps, il dit qu'il est vrai, c'est Dieu qui l'a envoyé. Présentez-vous la parole. On met la parole. Vous voyez ce qu'il en dit. Testez-vous la parole. Pour tester le prophète qu'on sort. On a commis vous avez tout dit. Faites-leur subir le test de la parole. Voyez ce qu'il dit de la parole. Et vous saurez lesquels esprits. On présente la vérité confirmée. Lui commence à nier ça. Oh ça là, ça c'est vous. Oh, mais c'est la parole de Dieu. Comment ça peut être nous? Mon frère. La parole de Dieu est immuable. Dans toutes les générations, c'est la même. Et les esprits éprouvés-les. Mais quand ils ne sont pas de Dieu et que vous ne sont pas guéris, ils feront des dégâts. Il dit, pouvez-vous concevoir qu'on puisse jamais entendre un prophète, un vrai prophète de Dieu, nier la parole de Dieu? L'Assemblée dit non. Vous aussi vous avez 5 sur 5. Est-ce que vous avez dit non? Comme l'Assemblée à laquelle Branham prêchait. Alors il répond lui-même aussi, non monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé quand les organisations de l'époque il se tenait là tout seul. Il restait seul. Et il disait c'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que les témoins, les premiers témoins ont fait? Ils ont changé de position parce que les Sanhédrin étaient bons. Ils étaient imperturbables. La vérité reste la vérité. Amen. Les choses que nos yeux ont vues, que nos yeux ont entendues, que vous prenez pour nous interdire. Vous dites que c'est ça, les gars. Amen. C'est ça. Est-ce que chacun a vu? Amen. Comment apparaissent les ministères dans 1 Jean 4 verset 1? Est-ce que chacun a vu? Amen. Ne croyez pas tout esprit. Ce sont des esprits qui exercent le ministère. Le ministère, c'est pas juste que quelqu'un se lève comme ça. Le problème dit que je ne crois pas qu'un homme puisse avoir du succès avec un ministère Si cela ne vient que de lui-même. Il faut qu'il y ait un esprit derrière. Ça peut être le bon esprit de Dieu. Ou un mauvais esprit. Que les démons aussi sont populaires. Hein? Ils savent gagner les âmes. Hein? Ne pensez pas que quand on a beaucoup d'âmes, c'est que c'est seulement Dieu. Non! Le Seigneur des étoiles du ciel était traîné par les dragons. Dans Apocalypse 12. Les dragons traînaient derrière lui les étoiles. Il est si persuasif. Il s'est persuadé. Miséricorde. Et la Bible a dit dans Ephésiens 4, la version du Seigneur, nous là, Dieu nous a placés sur le ministère authentique, pour que nous puissions échapper à la tromperie des hommes, qui sont spécialisés dans les stratégies d'entraîner les autres en erreur. Des gens qui ont la spécialité d'entraîner d'autres humains dans les ténèbres. Des gens pareils existent. Et pour nous garder de cela, Dieu a placé sur nous des ministres de faire ça. Pour que nous ne soyons plus importants sous la doctrine, ni laisser à la merci des hommes spécialisés dans la capacité d'entraîner les autres en erreur. Oh, que Dieu garde ton âme. Amen. Que ton âme à toi ne prête pas foi à tout esprit. Amen. Prends conscience que Dieu t'aime. Amen. Dieu ne veut pas te voir perdu. Amen. Il veut te voir sauvé. Amen. Il t'a confié 1 Jean 4:1. Ne sois jamais naïf. Ne sois jamais ballotté. Ne crois pas n'importe quoi. Mais éprouve les esprits. Amen. Pour voir s'ils sont des dieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Faisons nos dévots maintenant pour la prière. Rapidement. Alors, grâce de Dieu. Bon Nazambe. Mon cœur est aussi blanc que la neige, le lys des champs, aussi pur que les ruisseaux, aussi léger que les oiseaux, c'est pur, c'est pur. C'est blanc, je voudrais m'envoler avec les anges vers les bords firmament. Oh, je voudrais m'envoler avec les anges vers les bords firmament. Bon, il y a encore un mot. Nous te rendons grâce et gloire pour ton amour ce soir qui nous amène à méditer, à examiner, à approfondir la matière de la parole, afin d'être équipé pour faire face à tout défi. Toi qui établis des termes, même des ministres, c'est toi seul qui les établis. Pour les témoins, tu peux donner le Saint-Esprit. Ça suffit pour faire de nous les témoins. Et pour les prédicateurs, tu peux les envoyer. Amen. Leur confier une tâche précise. Une mission précise à toi. Dans leur vie et pour ta gloire. Oh Dieu bien-aimé, ne nous laisse pas nous égarer. Ne laisse pas nous embrouiller. Que ta parole nous garde. Chemin faisant. Dans ta victoire. Que notre foi ne faiblisse point. Mon frère et ma soeur. Chacun ne regarde pas ce qu'il est. Mais qu'il regarde que toi. Tu es capable de beaucoup de choses. Toi qui es sur nos larmes. Toi qui es sur nos confusions. Toi qui nous éclaires là où nous ne sommes pas au clair. En tant qu'humain, nous nous trompons. Nous commettons des erreurs. Tu es notre lumière pour nous. Oh Seigneur, viens nous par la main. Chemin faisant, garde-nous dans ta lumière. Chaque jour et par jusqu'au bout du voyage. Exauce nos prières de la chaîne de prières d'aujourd'hui. Honore tous les enfants de Dieu qui ont été présents dans cette chaîne, qui ont refusé de briser la chaîne de prières. Bénis-les au nom de Jésus-Christ et accorde-nous ta grâce pour persévérer dans les prières. Où que nous soyons, que nous ne puissions pas oublier les rendez-vous avec Dieu, quelles que soient les choses que nous faisons, que l'honneur te revienne. Garde chacun Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu vivant, prions ainsi. Amen. Amen.